Viens se garer devant la banque, la bouche sèche, une boule dans la gorge. En quête de billets, c'est la seule chose qui nous forge. On se remémorise le plan, histoire de pas faire de faille. Pas finir les pieds devant, repartir avec la caille. Ça y est, on est entré, on peut plus reculer. Envoie la monnaie mec, et tout va bien se passer. On remplit les sacs de billets jusqu'en blindé le coffre. Avant que les flics débarquent, nous plus tous nos coffres. Dans la caisse des boules, explosent les radars. Virage petit burner, repart devant deux caisses qui nous barrent la route. Ça y est, les keufs sont en route. C'est le carnage partout, des barrages. Après un braquage fait à la sauvage, on trace avec rage, dégager le passage. Le pied appuyé sur l'accélérateur, 210 km/h, affiché au compteur, avant mes potes ont peur. Après un braquage vers la sauvage, un mort et deux blessés, c'est la tôle assurée. La meilleure chose à faire, c'est tirer, se faire oublier. Les flics poussent ma civique, impossible les semer, je me vois déjà enfermé, coffret bafoué. Une ruelle isolée, idéale pour se cacher, moment de tourner, la pneu qui a trop chauffé a explosé. Heureusement une maison abandonnée, on va se caler, pour les fermer. On est barricadé, armes chargées, prêt à tirer sur le premier qui essaie de traverser notre forteresse sacrée. Sauvage, c'est le carnage partout, des barrages. Après un braquage fait à la sauvage, on trace avec rage, dégager le passage. Une demi-heure qu'on est cloîtré derrière ces putains de volets, en train de me demander si on va tous sortir entier de cette situation désespérée. Mes plans sont en train de lâcher, je pense à ma femme et mes proches délaissés, que je reverrai peut-être jamais. Je dis à mon pote de s'enfuir, que je vais le couvrir, qu'il n'aura qu'à courir. Alors je recharge, je commence mon carnage avec rage. Soudain des rafales de balles traversent mon corps, et je vois la mort venir me chercher. Je suis allongé en train de mater, mon pote s'échapper avec les billets. Ça y est, mon cœur s'est arrêté. Je commençais à courir quand sonne à mon oreille des coups de feu. Pas du côté de mon pote mais des flingues de ses bleus. Ses fils d'eux l'ont buté de sang froid, et j'ai même pas eu le temps de lui dire ce qu'il était pour moi. Tu te rappelles ces moments quand on était enfant? On en a eu des galères mais on s'est toujours sortis d'affaires. Et nous voilà maintenant tellement dépendants de l'argent, voilà où ça nous emmenait. Je continue à courir avec la peur de me retourner, peur de réaliser, de voir la réalité, de voir effondrer, penser qu'on ne verra plus jamais. Mais t'inquiète, t'auras pas fait ça pour rien, je lirai ta part au tien, ta famille il manquera de rien. À bientôt mon frère, à bientôt. Après un braquage fait à la sauvage, c'est le carnage partout, des barrages. Après un braquage fait à la sauvage, on trace avec rage, dégager le passage. Après un braquage fait à la sauvage, c'est le carnage partout, des barrages. Après un braquage fait à la sauvage, on trace avec rage, dégager le passage.